Chapitre 6 du livre de Tobie de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Tobie partit donc, et le chien le suivit. Et il demeura la première nuit près du fleuve du Tigre. Et il sortit pour se laver les pieds, et voici qu'un énorme poisson s'avança pour le dévorer. Tobie, plein d'effroi, jeta un grand cri en disant, « Seigneur, il va se jeter sur moi !» Et l'ange lui dit, « Prenez-le par les ouïes et tirez-le à vous !» Ce qu'ayant fait, il le tira à terre, et le poisson commença à se débattre à ses pieds. Alors l'ange lui dit, « Videz ce poisson et prenez-en le cœur, le fiel et le foie, car ils vous seront nécessaires pour des remèdes très utiles. » Ce qu'ayant fait, ils firent rôtir une partie de la chair qu'ils emportèrent avec eux en chemin. Ils salèrent le reste, qui leur devait suffire jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Rages, ville des Mèdes. Alors Tobie interrogea l'ange et lui dit, « Mon frère Azarias, je vous supplie de me dire quel remède l'on peut tirer de ce que vous m'avez ordonné de garder du poisson. » Et l'ange lui répondant lui dit, « Si vous mettez sur des charbons une partie de son cœur, sa fumée chasse toutes sortes de démons, soit d'un homme, soit d'une femme, en sorte qu'il ne s'en approche plus. Et le fiel est bon pour oindre les yeux où il y a quelques taies, et il les guérit. » Et Tobie lui dit, « Où voulez-vous que nous logions ?» L'ange lui répondit, « Il y a ici un homme du nom de Raguel, votre parent et de votre tribu. Il a une fille nommée Sarah, mais il n'a pas de fils, ni d'autre fille que celle-là. Tout son bien vous sera dû, et il faut que vous la preniez pour épouse. Demandez-la donc à son père, et il vous la donnera en mariage. » Alors Tobie répondit et dit, « J'ai entendu dire qu'elle avait déjà épousé 7 maris et qu'ils sont morts, et j'ai entendu dire aussi qu'un démon les avait tués. Je crains donc que la même chose ne m'arrive à moi-même, et que, comme je suis fils unique de mes parents, je ne précipite de chagrin leur vieillesse au tombeau. » Alors l'ange Raphaël lui dit, « Écoutez-moi, et je vous apprendrai quels sont ceux sur qui le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui s'engagent dans le mariage de manière à bannir Dieu de leur cœur et de leur esprit, et qui ne pensent qu'à leur passion, comme le cheval et le mulet, qui sont sans raison, et le démon a du pouvoir sur cela. Mais pour vous, lorsque vous l'aurez épousée, étant entrée dans la chambre, vivez avec elle dans la continence pendant 3 jours, et ne pensez à autre chose qu'à prier avec elle. Cette même nuit, mettez dans le feu le foie du poisson, et le démon s'enfuira. La seconde nuit, vous serez admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, vous recevrez la bénédiction de Dieu, afin qu'il naisse de vous des enfants en parfaite santé. La troisième nuit passée, vous prendrez cette jeune fille dans la crainte du Seigneur, et guidée par le désir d'avoir des enfants plutôt que par la passion, afin que vous obteniez la bénédiction de Dieu, en ayant des enfants de la race d'Abraham. » Fin du chapitre 6.